L'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL. Avoir raison. Celui qui a raison dans le sens moral du terme est celui qui a la vision sur le plus long terme. Pour avoir la vision à long terme, il s'agit de défendre l'intérêt général. L'intérêt général est l'intérêt collectif qui permet même de créer de nouveaux droits pour les individus. Quand on défend l'intérêt général, on met en valeur ces nouveaux droits qu'il faut deviner par les avancées scientifiques, voire les changements de paradigme. La théorie des jeux consiste à anticiper sur le concurrent pour trouver mieux que lui. Il est nécessaire avec la théorie des jeux d'espionner le concurrent. La défense scientifique de l'intérêt général et la politique permettent de se passer de la théorie des jeux. On ne fait alors que se renseigner sur le concurrent. Mes notes. Penses-tu avoir souvent raison ? C'était l'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à SRM.